Vous écoutez Futur Simple sur CKRL 89.1 et on va rester dans le domaine des transports, mais cette fois on va prendre l'avion. Donc les voyageurs habitués à des trajets au-dessus de l'Atlantique Nord ne devront pas oublier d'attacher leur ceinture car ils vivront de nouvelles conditions de vol dans les prochaines années. Christiane Dupont va nous parler d'une étude qui démontre que les changements climatiques affecteraient le transport aérien. Bonjour Christiane. Bonjour Valérie. Alors qu'est-ce que c'est que cette nouvelle étude? Bien, c'est une nouvelle étude qui est sortie il y a quelques semaines du docteur Paul Williams et de ses collègues de l'Université Readings qui affirment dans la revue Nature Climate Change que les avions devraient affronter probablement des turbulences plus intenses, des turbulences atmosphériques durant les mois d'hiver particulièrement. Mm-hmm. Selon ces chercheurs-là, c'est l'instabilité atmosphérique qui pourrait doubler d'ici 2050. Donc, doubler. Donc, il y aurait vraiment une instabilité, le facteur d'instabilité serait plus grand et la force moyenne de ces instabilités-là pourrait augmenter de 10 à 40 %. Mm-hmm. Donc, finalement, ça brasse plus côté atmosphérique dans l'Atlantique. Et la raison, ben, c'est l'impact des changements climatique sur les courants jets. C'est quoi ça, les courants jets? Les courants jets, on voit ça, ceux qui écoutent Météo Média, alors on voit le courant jet, c'est comme un genre de grande ligne qui se traverse les continents, les océans. C'est ça qu'on voit sur les prévisions météo télévisées. Le courant jet, c'est un flux d'air rapide et confiné qu'on trouve dans l'atmosphère à une altitude précise, entre 6 et 15 km d'altitude environ. Puis c'est pas très... C'est vraiment comme le dessin qu'on montre dans le c'est pas si faux, en fait. C'est un peu comme ça. C'est un genre de ruban, c'est un bon mot. Les courants jets ont plusieurs milliers de kilomètres de longueur et quelques centaines de large seulement sur quelques kilomètres d'épaisseur. Donc, c'est vraiment un long... C'est ça, un long ruban. Proportionnellement, là, c'est comme une ligne, un peu, je dirais. Et puis ça se promène au gré des masses d'air. Ça monte, ça descend dans l'Atlantique. C'est un peu comme une genre de ligne horizontale, courbe, là. Plus ou moins, ça monte, ça descend, ça pourrait s'élargir, ça pourrait... Bon. Donc, ainsi, le courant jet va se former au-dessus d'un ruban serré de différence de température. C'est donc vraiment là où il y a un écart de température, le courant jet va se situer un peu... Ça marque l'interface, en quelque sorte? Oui, un peu. C'est exactement ça. Et puis, donc, en des différences de température entre un front chaud et un front froid, habituellement. Et puis, ça va séparer aussi les masses d'air chaudes de l'équateur et froides des pôles. Donc, ça a vraiment un rôle important. Et en aviation, évidemment, c'est quelque chose à tenir en compte quand on veut traverser l'Atlantique à travers toutes ces masses d'air-là, toujours en mouvement. Ouais. Et donc là, ce que l'étude indique, c'est que les changements climatiques pourraient modifier ce courant jet? Oui, bien, c'est ça. Les zones à risque de turbulence qui sont dangereuses pour les avions pourraient même doubler de taille durant cette même période. Parce que, bon, en aviation, c'est très complexe. Tout ça, c'est vraiment une science à part de pouvoir bien choisir le bon trajet. Les avions ne vont pas en ligne droite d'un point à un autre. Hein. Souvent, ils vont, selon le vent, selon certaines... ils utilisent déjà beaucoup les vents. Évidemment, sauf que la zone à risque où ça brasse toujours à un moment donné au sud de l'Atlantique, la plupart des longs vols, des longs voyages, des gens qui ont déjà été dans les avions, il y a des turbulences à un moment donné et sont souvent prévisibles. Elles peuvent... On sait ici, il y a toujours une genre de zone. Souvent, ils savent à l'avance, mais cette zone-là pourrait être plus grande. Et puis, déjà, depuis quelques décennies, les avions affrontent des vents déjà plus forts. Ah oui, c'est déjà noté. D'accord. Habituellement, les turbulences atmosphériques au-dessus de l'Atlantique Nord frappent environ à 10 km d'altitude, une zone dans laquelle environ 600 avions de ligne volent quotidiennement, beaucoup les vols entre l'Amérique du Nord et l'Europe. Souvent, ils vont faire une courbe en volant un peu vers le Groenland ou vers l'Islande. Ils font comme une courbe comme ça. Et en fait, c'est quoi qui cause ces turbulences? Eh bien, il y a plusieurs types de turbulences. Il y a des turbulences de nature artificielle, il y a des turbulences de nature topographique. Au-dessus d'une montagne, c'est la montagne qui fait qu'il y a des vols. Personnellement, je me souviens, il y a quelques années, je suis allée en Amérique du Sud, et puis en revenant, on s'est fait brasser, là. Mais disons, on survole la cordillère des Andes, le pilote, il a dit, attendez-vous, ça va brasser pour environ une demi-heure. Mais c'est les vents... sur le bord de très hautes montagnes. Par le relief. Ils volent le long de l'océan Pacifique et puis avec les vents, il y a toujours des turbulences. Donc ça, c'est une cause de turbulence également. Et ce qui nous... nous intéresse aujourd'hui, les deux. Bon, ben, il y a aussi les turbulences qui sont causées par certains types de nuages, évidemment. Un nuage de tempête, on a déjà vu ça, des cumulus qui grimpent verticalement dans le ciel. Donc, il y a vraiment des changements de température, de la pression est différente. Donc, un avion qui passe là-dedans, évidemment, ça brasse, c'est plus des tempêtes. Et puis, il y a la turbulence atmosphérique claire. Ça, c'est le courant jet. Ça, c'est le type. C'est pas une tempête qui fait ça, c'est les vents qui sont faits de cette manière-là. Donc, les secousses qu'on appelle les turbulences, ça peut être décrit comme tout mouvement de l'avion clairement perceptible qui résulte de la turbulence atmosphérique, qui dure trop longtemps et qui n'est pas d'une intensité très forte, mais qu'on ne peut pas corriger par des méthodes de contrôle. Ah. Un pilote ne peut pas dire « Ah, ben on va essayer d'éviter. Ouais. » C'est un peu inévitable. C'est souvent, pour ceux c'est qui ont déjà pris... C'est trop spontané, puis trop imprévisible. Oui, c'est un peu imprévisible, puis souvent, ça a une fréquence assez régulière. Pour ceux qui ont déjà vécu des turbulences, ça brasse un peu comme d'une manière... certain rythme là, qu'on garde. Donc, c'est typique de ce genre de turbulences-là, de courant jet. Donc, aussi, il faut faire un des autres problèmes, je vais venir avec le côté des coûts, c'est aussi la sécurité des gens, parce que des turbulences, faut savoir, c'est pas ça qui va causer des écrasements d'avions ou quoi que ce soit. Okay. Habituellement, c'est... Donc, c'est pas pour nous dire que les vols seront plus dangereux? Plus dangereux, mais des turbulences très fortes, imprévisibles, si tout le monde est debout, parce que... Quand on traverse des zones à risque, on sait que c'est à risque, ben il n'y a pas de repas à ce moment-là. Tout le monde bouge sa ceinture, on attend, on n'a pas le droit de se lever. Mais moi, j'ai déjà entendu une histoire de quelqu'un qui me racontait qu'il prenait beaucoup l'avion, que bon, à un moment donné, là, si on sert les repas, les gens sont debout, les chariots, il y a eu des énormes turbulences complètement imprévisibles. Quelqu'un s'est cassé la hanche dans l'avion. Mm-hmm. Puis là, c'est atterrissage d'urgence, tout ça. Donc, ça peut faire des blessés. Faut pas faire peur. Habituellement, ça sera pas aussi fort que ça, mais c'est un danger la probabilité de ce genre de choses peut augmenter un peu. Parce qu'il y a des bonnes turbulences quand t'es debout puis t'es en train de faire quelque chose dans l'avion, c'est pas comme être assis. Non, pas tout à fait. Évidemment. Puis, c'est ça. Donc, la sécurité des vols ne sera pas nécessairement affectée. Faut pas avoir peur, mais l'effet sur le portefeuille des passagers risque de se faire sentir. Ah oui? Comment ça? Parce que, le prix des billets, qui est toujours en augmentation de par le prix du carburant, qui augmente de manière, de toute façon, avec ou sans changement climatique, les changements de parcours ou le fait de traverser des turbulences, des fois, il faut faire des détours. Ça consomme plus d'énergie. Ça consomme plus d'essence, plus d'énergie. Donc, c'est un facteur à tenir en compte. Déjà que c'est cher, et puis, je crois, j'avais... Le coût d'un plein d'un avion de ligne, c'est ça coûte. Je dis des chiffres. De zéro, hein? Oui, mais je crois que c'est autour de je vais dire quelque chose entre 50 000 et 100 000 $ le plein, mais c'est quelque chose comme ça, je pense. Donc c'est très très cher. Donc évidemment, ça va sûrement aller en augmentant les prix pour les prochaines années. Donc attachez nos ceintures. Et probablement que c'est un phénomène qui doit s'observer aussi ailleurs. Là, l'étude se concentre. Oui, c'est ça, parce que là, c'est sur l'Atlantique. L'Atlantique Nord, qui est une ligne très, très, très utilisée, évidemment, entre l'Europe et l'Amérique. Ouais. Mais probablement qu'au Pacifique, il doit y avoir aussi des variations et partout sur la planète. Puis sur les continents aussi. S'il y a des vols trans-Asie, j'imagine qu'il y a peut-être des évidemment, parce que si on déplace un Mazda qui change quelque part, ça change tout. Hein? Donc, pour ceux que ça intéresse, il faut se préparer mentalement à avoir des turbulences. Et bien voilà, c'est peut-être un exemple finalement, un exemple de ce que vont coûter les changements climatiques finalement. Une autre conséquence. Merci beaucoup, Christiane. C'est un plaisir.